Alors de retour à Futur Simple, et nous terminerons l'émission avec Valérie qui nous donnera quelques nouvelles de l'Aguerril Dufresne. Oui, les auditeurs ont probablement entendu parler cet été de ce nouveau venu au Québec, mais qui est l'Aguerril Dufresne. Donc l'Aguerril, c'est un insecte de la famille des coléoptères. Il a le corps allongé, il est noir avec des reflets verts métalliques, la tête un petit peu aplatie, il a le dessous de l'abdomen qui est vert. Il fait environ 10 mm et comme son nom l'indique, il infeste les frênes. Donc il nous vient d'Asie, comme bien d'autres insectes et plantes envahissantes d'ailleurs, et il a fait son entrée au Canada en 2002. Alors, il infeste les frênes, mais est-ce qu'il cause suffisamment de dommages pour s'en inquiéter? Oui, parce qu'il provoque leur mort en 2-3 ans. Donc, c'est pas juste, il vient pas juste se nourrir de quelques petites feuilles et puis il continue sa vie. L'arbre meurt. En fait, les femelles pondent leurs œufs dans l'écorce et ce sont ces larves qui provoquent la mort de l'arbre. Alors, l'arbre se dégarnit par le haut et il finit par mourir. Il a déjà tué des centaines de milliers d'arbres dans le sud-ouest de l'Ontario et il a été détecté en 2011 à Montréal, donc il se rapproche de Québec. Alors, comme tu le dis, il est aux portes de la ville de Québec. Oui, effectivement. Alors, on parle pas souvent des frênes, en fait. Quand on parle des arbres au Canada, on parle des épinettes, on parle de l'érable. Mais faut savoir que les frênes constituent une bonne partie de la forêt urbaine, donc les arbres qu'on voit en ville autour de nous. Ils sont plantés le long des rues, dans les parcs. Certains particuliers, sur leur terrain, les plantent aussi sur leur terrain privé. Et bon, la ville possède un inventaire des arbres de la forêt urbaine et on compte 13 100 frênes sur le territoire urbain, donc soit 13%. Donc 13% des arbres qu'on voit dans les rues, dans les parcs, ce sont des frênes. Et ça tient pas compte des arbres qui sont sur les terrains privés. Donc dans certains quartiers, comme ici à Limoilou, ça atteint 20%. Donc on imagine que si la grille arrive ici et se met à grignoter les feuilles, on va avoir une hécatombe dans la forêt urbaine. Il va avoir de quoi se mettre sous la dent d'abord, parce qu'il va en trouver un certain nombre, il va être content, il va avoir à manger. Et on imagine le désert qui va résulter si les frênes disparaissent du paysage urbain. Donc, évidemment, le frêne inquiète le service responsable de la forêt urbaine à la ville de Québec et la ville a entrepris de faire une veille pour guetter l'arrivée de cette hôte indésirable. Elle a donc posé des pièges sur les frênes aux quatre coins de la ville pour détecter cet agril. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble, ces pièges? En fait, ce sont des pièges, c'est des cartons collants, hein, comme on peut en. Comme, bon, des fois, c'est sous forme. C'est un peu comme les cartons, les rubans. Pour capter pour les mouches ou autres. Donc là, c'est des genres de cartons collants qui sont installés dans les arbres. Donc, il y en a eu une quarantaine de posés en mai dernier. Mais bon, comme ils sont posés dans les arbres, donc dans le feuillage, ce qu'on détecte dans ces pièges, ce sont les insectes adultes, donc pas les arbres qui sont sous l'écorce. Donc, en parallèle, la ville a aussi échantillonné les branches qui ont été écorcées pour voir si des larves étaient présentes ou si les larves ne sont pas présentes. Est-ce qu'il y a eu des galeries indiquant que des larves étaient passées par là? Donc, j'ai pas vu les résultats sur ces échantillonnages, mais il y a eu un communiqué qui est tombé en début de semaine sur les insectes qui ont été piégés dans les pièges. Donc, les pièges ont été relevés, inspectés par la ville. Et aucun agril Dufresne n'a été détecté pour le moment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le moment. Donc la veille, finalement, c'est une veille de détection précoce, la préventive de l'agril Dufresne. Et pour l'instant, il n'y aurait pas, selon ces premiers résultats, il n'y aurait pas d'agril sur le territoire de la ville. Mais bien sûr, il faudra continuer le suivi l'année prochaine. Oui, absolument, parce que, et surtout, il faudra être vigilant dans nos actions pour empêcher que l'agril arrive. Donc ça, c'est les pièges et les observations sur les échantillons, c'est pour voir s'il est déjà là, mais ce qui est encore mieux, c'est d'empêcher qu'il arrive. Et bon, l'agril, il n'est pas arrivé de lui-même en Amérique du Nord, il est arrivé avec du bois d'emballage, avec des palettes de bois, comme ça se fait bien souvent. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'agril ne peut pas voler plus que sur quelques kilomètres. Donc, il est généralement assez sédentaire. En fait, il reste là où il est né. Donc, ce n'est pas seulement en volant de ses propres ailes qu'il est en train de conquérir le territoire nord-américain. En fait, on lui donne un bon coup de main à chaque fois qu'on transporte du bois, donc notamment du bois de chauffage. Donc, c'est pour ça que c'est pas recommandé de transporter du bois de chauffage d'une région à une autre et surtout de le laisser sur place sans le brûler. Donc, au moins, si on apporte du bois de chauffage, brûlons-le pour être sûr que les petits fagots de bois ne conservent pas la grille. Et puis peut-être aussi que compte tenu de ce nouvel arrivant dans notre environnement à Québec, si on veut planter un arbre sur notre terrain, c'est peut-être pas le moment de planter un frêne. Il y a peut-être d'autres choix d'arbres à choisir. Donc certainement que la vigilance va se poursuivre les années ultérieures parce que ça fait que commencer. Sa progression est assez forte en Amérique du Nord et il a déjà fait de nombreux ravages en Ontario. On ne voudrait pas que la même chose se produise dans nos beaux quartiers bien verts ici. En tout cas, à Limoilou, je regarde les arbres, je ne voudrais pas que les arbres disparaissent. Mais j'imagine que ça va être inévitable à plus ou moins long terme. À plus ou moins long terme, probablement. Mais il y a toujours une veille qui est exercée parce qu'après, bon, même si on le détecte, on peut toujours appliquer les traitements, le combat, comme on fait pour l'orme. Une veille qui est exercée. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'ormes à Québec. Ouais, donc, on y arrive. Voilà, donc c'était les nouvelles de la grille.